terre, celles qui nous ont quittés, attendons que la mort vienne nous séparer. Ces vivantes qu'on regrette, celles qui nous ont aimés, et la porte qui claque dit au revoir à jamais. Omniprésence de ton absence, le silence a ton apparence. Ces vivantes qu'on dévore, celles qui nous ont nourris, attendons que le temps digère nos boucheries. Ces vivantes que l'on pleure, celles qui nous ont souri, et une partie de soi se détache et nous fuit. Omniprésence de ton absence, le silence a ton apparence. Que la mort vienne nous séparer.